autre, j'essaie en bas de t'oublier. Mais dans les draps où je me ventre, il n'y a rien qui puisse me détourner de toi. De toi. Je n'y arrive pas, ma moindre pensée, elle est pour toi. C'est quoi? Et malgré moi, c'est trop dur, tu me manques, c'est sûr. Car plus je saute, saute de femme en femme, plus je me frotte, frotte à toutes ces dames. Et plus se confirme l'idée que c'est toi ma destinée. Alors vote, vote, c'est sur la rigolade que ma cote, cote, mon taux hit parade. De ta playlist, être le premier, je veux l'exclusivité de ton intimité. Je crois te voir, je me sens comme possédé. M'exorciser serait illusoire, car mon âme est déjà damnée par toi. Tu m'as vaincu, je crains que sur toi je ne puisse faire une croix. Nova déchu, je suis accro, je t'ai dans la peau. Et plus je saute, saute de femme en femme, plus je me frotte, frotte à toutes ces dames. Et plus se confirme l'idée que c'est toi ma destinée. Alors vote, vote, c'est sur la rigolade que ma cote, cote, mon taux hit parade. De ta playlist, être le premier, je veux l'exclusivité. Le Don Juan s'est fait piéger, son cœur tu as volé. J'essaie de m'en empêcher, mais je ne peux te résister. La peine d'amour est prononcée, et je suis condamné à n'aimer que toi. Je me frotte, frotte à toutes ces âmes. Et plus se confirme l'idée que c'est toi ma destinée. Alors vote, vote, c'est la rigolade que ma cote, cote, mon taux hit parade. De ta playlist, être le premier,